Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demande Daniel. D'abord, nous plongeons au cœur du Moyen-Âge avec les seigneurs de Polignac. Et après, on visite un endroit où, autrefois, se sont passées des choses étranges. Mais je ne vous en dis pas plus. Et pourquoi pas ? Le moniteur sourit. Il faut laisser un peu de suspense, vous ne croyez pas ? Oh, encore un volcan avec une forteresse dessus ! S'exclame Daniel. Oui, c'est le château de Polignac, explique Alex. Mais le château n'est pas sur un volcan, mais sur un fragment de coulée de lave. La forme de ce rocher, elle fait penser à quoi ? Continue Alex. À une pyramide sans pointe, propose Thierry. Bonne idée, mais ce n'est pas si compliqué. On trouve cet objet dans une salle à manger, par exemple. Une table ! S'écrient presque tous les jeunes. Très bien. C'est une table de basalte, qui est haute d'environ 100 mètres. Regardez les rebords. Ils sont si abrupts que, pour la fortification, il n'était pas nécessaire de construire des murailles d'enceinte. C'est pourquoi on appelait les seigneurs de Polignac les rois de la montagne. « Ces chevaliers étaient des pillards ?» interrompt Daniel. « Oui et non. On peut dire que quelques-uns étaient des brigands, mais il y en avait d'autres comme, par exemple, Melchior de Polignac, qui est devenu cardinal en 1713 et qui était aussi membre de l'Académie française. D'autres ont fait une carrière politique. Voilà, on est arrivé place de l'Église. Allons, par ici. Encore des escaliers ?» se lamente Daniel. Non, non, il faut juste monter un peu. Oh non ! Allez, pas d'histoire. Vous êtes jeune et sportif. Ouf, enfin, dit Daniel un peu essoufflé. Que la vue est belle ! On visite le donjon ? Demande Luc. Bien sûr, mais je croyais que vous étiez trop crevé. Il faut quand même encore monter 3 étages. Moi, je monte, dit Luc d'un ton décidé. Moi aussi, ajoute Daniel. D'accord, mais allons d'abord ensemble au rez-de-chaussée du donjon, reprend Alex. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Sébastien hésite un peu. Ses pensées tournent toujours autour du destin de la jeune fille disparue et de l'homme mystérieux avec le sac en plastique noir. Hé, tu rêves ? Tu ne veux pas entrer ? Demande Luc étonné. Il a sûrement peur de Barbe Bleue ou des fantômes, se moque Thierry. Arrêtez, crie Alex. Ah, pas de Barbe Bleue et pas de fantômes, se moque Thierry. Rien que des ruines, dit Daniel, déçu. Ce sont des vestiges de l'époque romaine, reprend Alex. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait un temple d'Apollon très connu sur ce rocher. Mais c'est surtout l'oracle qui a attiré beaucoup de pèlerins. Oh, un oracle comme la Pythie en Grèce ? C'est cool ! S'écrie Luc. L'oracle avait toujours raison ? On le dit, continue Alex. Vous savez pourquoi ? C'était certainement un truc douteux, remarque Thierry. Mais lequel ? Quelqu'un le sait ? Silence. Voilà la solution de l'énigme. Autrefois, les pèlerins arrivaient dans une grande salle où ils déposaient leurs offrandes et posaient leurs questions à l'oracle. Ils ne savaient pas qu'il y avait un puits en forme d'entonnoir creusé dans le rocher, qui aboutissait dans le temple. Et pendant que les pèlerins montaient au temple, les prêtres avaient du temps pour préparer une réponse qu'ils faisaient prononcer par la bouche de pierre d'un dieu. « Ils se sont bien moqués de tout le monde, les prêtres, et personne ne l'a remarqué !» s'étonne Daniel. « Cela ne me serait pas arrivé !» Autrefois, les gens étaient plutôt superstitieux et sans doute pas si intelligents que toi, rétorque Julien. Il reste encore un peu de temps, interrompt Alex. Vous pouvez visiter le donjon ou regarder les vestiges de l'habitation avec le puits qui est profond de 83 mètres. Rendez-vous à 5 heures devant le quart,